l'économie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'histoire des bas-fonds de Paris, d'Aristide Bruand, se déroule dans de nombreux quartiers de la capitale. Les personnages sont des adultes, mais aussi, comme il s'en trouve dans tout bon mélodrame, des enfants, une petite fille, une petite chiffonnière. Il y a une histoire de substitution d'enfants. Un feuilleton parlé, un feuilleton chanté, dont voici les 20e et 21e épisodes, diffusés pour la première fois sur France Culture, les 25 et 28 septembre 1981. La vaisseau, sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 20e épisode. Avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Francine Bouffard, Pierre Trabot, Roland Dubillard, Paul Leperson, Manuel Dexette, Dominique Paturel, Roger Mollien, Nicole Vassel, Jacques Guezy, Daniel Collat, Pierre Constant, Pierre Delbon, Jean-Jacques Stein, René Renaud. Réalisation Claude Roland Manuel. Le comte de Charmeuse, époux séparé mais toujours légal, refait surface en apprenant le décès de son beau-père, le banquier Bonner, et vient réclamer à sa femme le reliquat de la dot toujours impayée. Rose-Aimée Frisette découvre enfin la bonté et le bonheur entre son papa Garin, le cheminot, et son tonton Tommy Turnip, le géant noir, joueur de banjo, qui a quitté son maître, Patrice Guéry, homme d'affaires de Jean Robin, pour courir l'aventure. Garin le rencontre en piteux état et le ramène dans sa cabane de la cité des Biffins de Malakoff. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le gendarme ? Que je pilonne ? Que je n'ai pas de métier ? Que je suis sans aveux et sans carme ? Vous rigolez, mon brigadier ? Quels sont mes moyens d'existence ? D'où que je viens ? Eh, je viens de n'importe où. Quant à ce que je fais, il n'y a pas d'offense. Et je vends mon crayon pour un sou. Ouais, je sais bien, j'ai une sale fiole. J'ai vraiment pas l'air d'un rupin. Aussi, bon Dieu, je fais pas le mariole. Et je crâne pas comme un sapin. Ah bon, Dieu non, je suis pas leur tierce. Je suis un trimardeur, un voyou. Je fais pas partie du haut commerce. Et je vends mon crayon pour un sou. Et c'est cela qu'a des boutiques, des étalages ébouriffants, un fond, des clients, des pratiques, et des femmes avec des enfants, des mômes qui leur fait des caresses. Moi, je vis tout seul comme un hibou, avec quoi que j'aurai des gonzesses, et je vends mon crayon pour un sou. Allons, au revoir, monsieur le gendarme. Vous le voyez bien, j'ai un métier, avec quoi que je me fais du carme. Allons, au revoir, mon brigadier. Portez-vous bien. Oh, mince de pelle. Est-ce que je viens d'y emboucher un trou ? Va donc, polichinelle. Ai-je vend mon crayon pour un sou? Un matin, en revenant des Halles, Garin eut une surprise désagréable. Aux abords de la cité des chiffonniers... En voilà une animation. Et un tas de têtes nouvelles qui ne me reviennent pas. Ça schlingue la rousse par ici. Sale coup de fouet. Et le vieux ramasseur de mégots, le collet de sa vieille redingote soyeusement relevé, se trotte plus vite qu'il convient à un philosophe de son âge. Il a l'air d'impresser. Veut-il arriver, le mendigo septuagénaire, à la fosse commune? On y arrive toujours assez tôt. Le vieux, il va toujours plus vite que la Camarde qui ne parvient jamais à le rattraper. Les vieux purotins, ça va vite. Attendu qu'ils n'ont pas la goutte comme les rupins qui bouffent trop et ne remuent pas assez leur panier à crottes. Il leur a dit par ici. Il file tout bonnement comme quelqu'un qui est en train de foutre le camp. Garin, il y a du paix, à cré. Je m'en gourrais. Adieu, Garin, mon gars. Il faut se trotter. C'est l'expulsion, la fin de la cité chiffonnière, condamnée à disparaître. À la revoyure, vieux. Oui. Y a pas à dire. Ils ont dérangé le car au grand complet. Elle zigue au milieu du terrain vague, en chapeau tremblant et en redingote. Merde! Ce Marquemal est sanglé dans une sous-ventrière tricolore. Le commissaire de police. Oh, il faut que je voie tout de suite à Carré Frisette. Tommy, boost. Allez, on se tire, dardard. Ma bourse. Mon baluchon, vite fait. Et ma poupée? Oui, ta poupée. Bien, allez, on passe par la fenêtre. On ne nous verra pas. Suis-nous, Tommy. Suis-nous, si on se perd. Rendez-vous dans la forêt de Meudon, près de l'étang de l'Ursine. Allez, Oust. Allez, Frisette, c'est pour te sauver, ma mignonne. Tu es prête? Oui. Il y a des méchants qui te feraient de la misère. Malheur aux pauvres. J'ai confiance tant que je suis cramponnée au cou de mon bon papa Garin. Oh, malheur aux pauvres! Mais je sais pas, mon petit lapin, tu verras bien. Ah, vous êtes là! Toujours obligé à vous après! Dépêchons! On va pas y mettre la journée, hein! J'ai pas le cul en travers, moi, brigadier! Qu'est-ce que vous foutez à bailler aux corneilles? Ouspillez-moi un peu tout ça! Avec le cul en travers ou quoi? T'en foutrais des logements insalubres. Obliger les haillonneux, les guignards à filer la comète, c'est-y mieux? Cette idée, je te demanderais pas mieux que d'aller loger au parc Monceau. Avec la flotte sur l'évier, les chiottes à l'anglaise. Ah, doucement, Sergo. Pas la peine de crâner avec ton uniforme. Toi, au moins, t'as de quoi pioncer. Mais viens, je t'invite. Je m'en voudrais. À votre place, je serais pas fier. Allez, grouillons, hein, pas de grosses prétences. Ah, dans quoi je vais mettre tout ça? J'ai même pas une gabarde. Eh ben, fais-en des baluchons. C'était toi qui les porteras. Va donc voir chez toi si t'es cocu, Mais dis donc, viens donc voir au poste si je suis cocu. Allez, maman, ne quitte pas. Au milieu du champ de bataille, le commissaire tortillait victorieusement sa grosse moustache noire, triomphe de la teinture. Ah, oh, monsieur le commissaire, mes respects. Sacré Dieu, foutez-la, vous. C'est vous, Anatole Chenu, du nouveau à la boîte? Ah, c'est pas pour arrêter l'opération, je présuppose. Dans ce cas, trop tard, nom de Dieu. Je les ai foutus dehors. En 5 secs, ces salauds de biffin. On n'y coupe pas avec moi. J'ai pas le cul en travers, moi. Sentez-vous de quoi je vous parle, Anatole ? Oh, parfaitement, monsieur le commissaire. Enfin, je veux dire... Bon, voilà. Je suis chargé par la brigade des recherches de retrouver une petite fille. Qui avait été confiée par sa famille à une brave femme. Qui demeurait ici avec son fils. Cette malheureuse dame avait eu le don de déplaire à quelques mauvaises têtes de la cité. On la fit par dérision passer devant un simulacre de tribunal. Comment ? Qu'est-ce que vous me dites là, Anatole ? Ces cochons de sacré dié de chiffonnier, un simulacre ? Oh, mais c'est grave, cette histoire-là. Il faudra que je fasse un rapport au parquet pour l'objet d'outrage à la magistrature en exercice de simulacre dans les fonctions. Hein ? Continuez. Ah, ils me le paieront, les bougres de salauds, leur machin de simulacre. Pas le cul en travers, moi. Bon, alors donc, comme j'avais l'honneur de vous le dire, monsieur le commissaire, après un simulacre de jugement qui constitue, comme vous le disiez si bien, un véritable outrage à magistrature, ils ont enlevé à cette pauvre femme l'innocente à elle confiée. Et l'ont abandonnée à un homme sans aveu, qui a déjà recueilli un nègre fortement soupçonné d'anarchie. De quoi ? De quoi ? Ah bon, des enfants perdus, volés, retrouvés, reperdus, ça je m'en fous, hein, et contre-fou, mais un anarchiste ! Monsieur le commissaire, je peux rechercher la fillette ? Si vous mettez la main dessus dans cette botte de foin, grand bien vous fasse, hein. Brigadier ! Deux hommes à la disposition de monsieur Anatole. D'abord, on n'a pas le droit d'être nègre. Ça fait du tort au gouvernement. Et ça attire l'attention sur nos expéditions coloniales. Attention. Ravachol, qui n'était qu'un anarchiste blanc, valut la décoration au commissaire qui l'avait arrêté. Alors, un anarchiste vraiment noir ? Pas le cul en travers, moi. Monsieur le commissaire Levla. Attention, vous autres. Il avance. La croix d'honneur sur un cercueil, c'est pas une consolation. Tous mes subalternes ont foutu le camp. Oh, oh les vaches ! Comme disent les pègres et les marles. Il se découvre et pose son chapeau par terre. Il est bien poli. Monsieur le commissaire, ces gaillards-là sont bien capables de refiler de la dynamite jusque dans leur galurin. Dites-lui que vous êtes père de famille. Ça peut l'abadouer. Au nom de la loi, je vous arrête. Je l'ai pas en travers, nom de Dieu. Et vous, bande de froussards, chargez. Au lieu de vous planquer, mais chargez donc. Bougez pas, vous, l'anarchiste nègre. Croyez peut-être que je l'avais en travers. Un beau sujet, monsieur le commissaire. Un très beau sujet. Vous devriez me le confier. Il n'est pas plus anarchiste que vous et moi. Pour un beau sujet, c'est un très beau sujet. Spécimen rare, type très pur, angle facial tout à fait caractéristique. Mon cher docteur, désolé, cet homme appartient à la loi. Pensez-vous qu'on le guillotine ? Je crains que non. Les jurés sont d'un mou. Oh, je le regrette. Ils l'ont en travers, les jurés. Ouais. Fâcheux. Les pouvoirs publics ne font rien pour la science. Quand je désire un beau squelette, un squelette rare, il me passe sous le nez. Les condamnés à mort se refusent absolument à se faire disséquer et le procureur général fait respecter leur dernière volonté. Où allons-nous ? Eh ben, nous allons conduire cet anarchiste noir au dépôt. J'exécute la loi, mon cher médecin légiste. Ben, oui. Ben, qu'est-ce que vous attendez, vous autres ? Ligotez-le ! Monsieur le commissaire ! Un instant ! Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous êtes de la boîte ? Permettez-moi de me présenter, Jean Robin. Parfaitement, je vous reconnais, monsieur. Excusez. Mon homme d'affaires, Patrice Guéry. Mais parfaitement. excusez, vous arrivez trop tard, je suis désolé, la fête est terminée, je peux pas la recommencer, pas vrai. Et pourtant, je ne l'ai pas en travers. Je ne venais pas assister à cette expulsion. Vous êtes le nouveau propriétaire. Vous allez construire un château là-dessus, il y a de la place. Non, mais ma visite est beaucoup plus simple. Il est effectivement dommage que j'arrive trop tard. Je recherche une petite chiffonnière. Master Great John, mais vous êtes sur la trace de votre petite fille, my goodness. Hélas, non, mon bon Tommy. Il s'agit, monsieur le commissaire, d'une fillette à laquelle nous nous intéressons à la crèche de la rue de Vanves. Monsieur le commissaire, il n'y a plus personne. Tous les campus sont vides, ils sont taillés comme des lapins. Oh, mais reste même, monsieur Jean-Robin. Oh, mais avec moi, rien ne traîne. Je ne l'ai pas en travers. Pour éviter un foyer de contagion, vous devriez brûler ces taux disinfectes. Ah, docteur, vous êtes un lascar, hein, qui ne l'avait pas en travers. Foutre de bordel de Dieu, tiens. Allez, vous autres, exécution! Ça leur rappellera le bon temps des razzias pendant le service militaire. Embarquez-moi la nare noire, sans oublier la pièce à conviction. Pardon, monsieur le commissaire, il y a erreur. Tommy n'est pas un anarchiste, il est américain. Oui. Oh, puisque vous en répondez, alors. Tant pis pour la médaille. Viens, mon bon Tommy. Dis-moi, tu as bien besoin de te remplumer, hein. Je te ramène à la maison. Merci à vous, Master Patrice. C'est impossible. Comment c'est impossible? J'ai rendez-vous avec mon frangin Garin et Frisette. Ah, tu as adopté une nouvelle famille. Oui, mais ils sont les bienvenus. Tu en as l'habitude. Master Patrice, c'est le printemps. Avec le frangin Garin et Frisette, on va filer la comète. Yeah. La gosseline m'a filé sous le nez. Si tu veux qu'on continue à travailler ensemble, il faudra te montrer un peu plus adroit à l'avenir. Le Garin, il la connaît dans les coins. Il a reniflé la rousse avant qu'elle se manifeste. Bon, avec quelques pièces, j'ai su qu'il s'était tiré avec la môme. Dans quelle direction? Alors ça, c'est un cheminot. Il connaît toutes les routes comme moi, je connais tous les assommoirs à escarpe. S'il se balade avec la môme, Nib pour remettre la pogne dessus. Et c'est aussi un truc à lui dégoter des emmerdements. La flicaille peut lui repiquer la gosse et la refiler à l'assistance. Il doit avoir une planque pour s'organiser. Une grosse pièce s'est déplacée ce matin au sujet de la gosseline. Jean Robin en personne. Merde. Ça sentira le roussi de ce côté? Il réclamait simplement une petite chiffortonne déjà vue à sa crèche de la rue de Vanves. Mais est-ce qu'il fera un rapport entre la chiffortonne et la gamine refilée jadis à Fifine? Dommage que la Fifine ait passé l'arme à gauche. Déprofondis quelques cuves en paix. J'ai mieux. Trouve-moi un reculo. D'après toi, il devait pas en perdre une miette sur les bifins, donc sur Garin. Oh, facile. Il promène marcher sur les traces de son auguste fripouille de père. Les commissariats de Vanves et de Malakoff ont déjà retenti des exploits de votre précoce gabin. Il sauve déjà une gonzesse. Une petite marmite en herbe. Elle a plaqué ses parents pour suivre son jeune dos qui procède à son éducation professionnelle. À quoi rêvent les jeunes filles à la barrière avant même de faire leur première communion? Il voit grand le requet. Il a sa bande. Libre et joyeux, chaparnant, chahutant, se livrant à toutes les malfaisances au nez des roussins lancés à leur trousse. Bon, ils en ont chauffé marron deux ou trois sur le tas. On les envoie en correction jusqu'à leur majorité. Et le petit barbeau devient un grand, ce qui permet de lui couper le cou plus tard. Sublime prévoyance des philanthropes officiels. La môme sucre d'orge est devenue la ménesse à toute la bande du roquet. Ce qui lui permet de tenir ses jeunes troupes bien en main. Ah, il a vraiment de qui tenir. Bon, maintenant, il y a plus simple pour rechoper Garin. Tommy, le joueur de banjo, le copain à Chabanais. Ouais. Il a textuellement lancé à son patron qu'il avait rendez-vous avec Garin et Frisette. Ah oui, il s'agit de la gosseline que Fifine appelait Ficelle et que Garin a baptisé Frisette. Ouais! En bas, Nini Cascador et son marle demandent après vous. Tiens! Qu'il monte. Le charmeuse? Elle va pas nous casser les pattes. Penses-tu, il est tout juste bon à me revendre Nini. Bon, pour en finir, j'ai collé Chabanais sur les talons de Tommy. Avec sa taille et sa couleur, on peut le suivre de loin facilement. Oh, tu parles d'une visite, une vraie délégation. Monsieur le comte, mes respects. Nini Casque d'Or, c'est toi qui as amené ton mec jusqu'ici? Juste, il voulait vous voir. Je pouvais pas lui refuser, il fait partie des nôtres. Ouais. Mais cet élégant jeune homme, je me trompe pas, Bibi. Bibi Chopin, t'as grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu. Et ta mère, cette bonne vieille fifine, comment va-t-elle? Bah, d'après Monsieur Anatole, elle a rejoint le DAB de l'autre côté. Triste. Un coup de trop, probablement. Anatole, t'aurais pu m'envoyer un faire-part, une si vieille amie. Et je ne suis pas là pour vous écouter grener des souvenirs familiaux, mais pour parler affaires. Mais je vous écoute, monsieur le comte, toujours à votre service. Anatole offre des vertes à côté. Oh, Nini et Bibi ne sont pas trop. Je n'irai pas par quatre chemins. Il y a 10 ans, je vous ai confié une petite fille. Qu'en avez-vous fait? Bibi, si présent, vous a renseigné, sinon je vois pas ce qu'il ferait là. Vous reconnaissez donc l'avoir confiée à Fifine Chopin? C'était un point précisé. C'est donc bien Rose Aimée qui a disparu. Et coïncidence, reculot aussi. Ah, vous me l'avez pas donné à garder, celui-là. Bref, qu'attendez-vous de moi? Vous pouvez retrouver Rose Aimée plus facilement que moi. La dernière fois que Bibi l'a vue, elle avait tout au plus 4 ans. Mais il la reconnaîtra. Je croyais que la gamine était celle de Jean Robin et non la vôtre. Il claironne partout qu'il offre des millions et qu'il la lui ramènera. On en a entendu même parler à New York. Je peux faire le travail sans vous. Et sans partager avec quiconque. Monsieur Ragdal, je ne suis plus celui que vous avez connu. Nini m'a enseigné une autre chanson. Vous ne m'impressionnez plus. Je suis toujours le comte de Charmeuse, l'époux légal d'Adrienne Bonnaire. Trop heureuse de revoir sa fille, Adrienne jouera ma partie. Je peux affirmer que vous êtes seul l'auteur du rapt. La mère de l'autre enfant est morte. Avec votre casier judiciaire, vous ne pèserez pas lourd. Fichtrin, vous voilà devenu un vrai marle. Félicitations, Nini. Vous avez tort de menacer. Oh, j'ai simplement exposé ma position. Beaucoup plus solide que par le passé. Et résumons-nous. Combien pour retrouver Rose Aimée? Ça dépendra de la générosité de Jean Robin. Je viens d'hériter de mon beau-père. Je détiens donc le nerf de la guerre pour mener à bien notre entreprise. Je vous verse tout de suite une avance de 50 000 francs. Ma foi, non, c'est un chiffre qui m'a jamais réussi. 100 000. Vous êtes gourmand. Ah, il y a des frais. Anatole, il est bien placé, mais c'est un sacré morceau. Si vous aviez quelques renseignements circonstanciés à verser dans la corbeille de noces... Nous avons lâché la daronne à cause de son nouveau Jules, un Allemand. On lui a laissé Reculot et Rose Aimée. Et d'après un vieux de Saint-Ouen, ils avaient viré du côté de Malakoff. On vient de raser la cité. Et quant à l'Alboche, il s'est évanoui dans la nature. C'est maigre. Il n'y a pas de quoi faire des miracles. Oh, monsieur Ragdal, vous en êtes capable. Il faut agir vite. Jean Robin ne lambine pas ni ne lésine sur les moyens. Il a obtenu de la police votre fiche signalétique avec un portrait qu'il a fait tirer à des centaines d'exemplaires et qu'il distribue comme des prospectus. En pure perte, d'ailleurs. Ah, je me proposais de me rendre chez lui afin de lui en dédicacer un. Il sait que vous êtes le dernier maillon entre Rose Aimée et lui. On vous joint toujours ici? Toujours. Il vaut mieux qu'on ne nous voit plus ensemble, à moins que ça urge. Bibi servira de liaison. À la royure, monsieur le comte, et toujours à votre service. N'oubliez pas la petite formalité. Hein. Voilà 50 000 francs. Merci. Je vous ferai tenir le reste. Eh oui. Au revoir, monsieur Ragdal. Plus le temps qu'on parle de vous. Nini. Ton comte ne fera pas long feu, il va repartir chez les Rupins. Et tu vaux mieux que ça. Vous, peut-être. Mais il n'y a pas de peut-être. Non, Anatole. Il faut faire fi ça. Charmeuse avec du pognon est encore plus dangereux. N'oublie pas, l'or éveille les souvenirs. On risquait de se faire doubler, maintenant il ne s'agit plus de se faire tripler. Bon, pour m'impressionner, il faut autre chose qu'un conte de charmeuse. C'est nous les petits marlots qu'on rencontre sur les buttes, là où ce que le pierrot au printemps fait son nid, là où ce que dans l'été nous faisons des culbutes, avec les petites marmites que le bon Dieu nous fournit. C'est nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid aux chasses. C'est nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid aux yeux. C'est nous qu'on voit passer avec des nœuds de cravate, des bleus, des blancs, des rouges et des couleurs cocus. Et si nos petites gonzesses traînent un peu la savate, nous on a des pantoufles pour leurs ifous dans le cul. C'est nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid aux chasses. C'est nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid aux yeux. Si le boulevard extérieur nous faisons notre mariole, et puis le soir quand les recettes bourgeois sont couchées, nous chauffons les morlingues bon passant en riole, pendant que nos petites marmites vident la bourse des michets. C'est nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid aux chasses. C'est nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid aux yeux. Quand faut aller servir ce bon Dieu de République, où que tout le monde est soldat malgré son consentement, on nous envoie grossir les bataillons d'Afrique, à cause que les marlous n'aiment pas le gouvernement. C'est nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlous qui n'ont pas froid aux chasses. C'est nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid aux yeux. Du coup, qu'on est là-bas, on fait le peinard tout de suite. On fait plus de grosses pétances, on s'y inclos, on se tient quoi. Il y en a même qui finissent par acheter une conduite et qui deviennent honnêtes hommes sans trop savoir pourquoi. C'est nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid aux chasses. C'est nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid aux yeux. C'était « Les bas-fonds de Paris » par Jean-Jacques Steen, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 20e épisode, avec Jean-Roger Cossimon dans le rôle de Bruand et Francine Bouffard, Rose Aimée, Pierre Trabot, le vieux philosophe, Roland Dubillard, le commissaire, Paul Leperson, Anatole, Manuel Duxette, Tommy, Dominique Paturel, Ragdal, Roger Mollien, Roger de Charmeuse, Nicole Vassel, Nini Casque d'Or, Jacques Guezy, le médecin, Daniel Collat, Bibi, Pierre Constant, Jean Robin, Pierre Delbon, Patrice, Jean-Jacques Steen, Garin, René Renaud, le journaliste, et Patrice Keller, Michel Pâtre, Anne Fabien, Lisette Lemaire, Ginette Franck, Michel Orlando, Edith Loria. La rue Saint-Vincent par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouli et Michel Gesina au banjo. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Cet épisode, le 20e, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 25 septembre 1981. Le 21e épisode fut diffusé le 28 septembre 1981 et le voici. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 21e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand et Francine Bouffard, Manuel Dexette, Jean-Jacques Stine, Rosine Favet, Paul Leperson, Martine Régnier, René Renaud. Réalisation Claude Roland-Manuel. C'est pas que j'aille de la religion. Je ne fréquente pas la messe et depuis ma communion, j'ai pas été à confesse. Pourtant, je fais comme le bon Dieu. Tous les septièmes jours, je flanche et je me repose au coin de mon feu. Moi, je ne marche pas le dimanche. Le coin de mon feu, c'est le coin d'un bois, toujours auprès de la rivière, où que tous les sept jours, une fois, je fais un bouillon de la première avec une tête de mouton, dont après, je me paye une tranche. C'est mon petit jour de gueuleton. Moi, je ne marche pas le dimanche. Après, je me fais un café, allongé d'une petite goutte, et quand mon festin est fait, au lieu de rester à rien foutre, et je lave mon linge au ruisseau, pour avoir une chemise blanche. Puis je me mets les pieds dans l'eau. Moi, je ne marche pas le dimanche. Le soir, quand le jour est fini, je m'allonge sur le dos, sur la terre, et je regarde dans l'infini où paraît qu'il y a notre Père. Malgré que je n'aie pas la foi, je me dis, en faisant la planche, notre Père est content de moi, puisque je marche pas le dimanche. Monsieur de l'Excelsior, voulez-vous résumer un peu? Où en étions-nous? Devant l'invasion des policiers, Garin le cheminot quitte précipitamment la cité des Biffins de Malakoff en emportant Rose-Aimée Frisette. Oui, et il se dirige vers la forêt de Meudon où il a donné rendez-vous à Tommy. Chacun de leur côté, Jean-Robin et Anatole, le policier marron qui travaille pour Ragdal, se présentent sur les lieux de l'expulsion. Mais trop tard, la petite chiffonnière a disparu. Le comte de Charmeuse, quant à lui, de nouveau argenté, propose une collaboration monnayée à Ragdal afin d'unir leurs efforts en vue de retrouver Rose-Aimée. Ragdal ordonne à Anatole de lui amener Roculot, son fils naturel, élevé avec Rose-Aimée par Fifine Chopin. Roculot connaît peut-être la direction prise par Garin. Comme la forêt commence à sentir bon. Respire, Frisette. Il fait encore frais, mais le printemps n'est pas loin. Les arbres bourgeonnent, les oiseaux commencent à chanter. Oh, papa Garin ! Oui ? Regarde ! Hein ? Oh, la petite belle ! Elle grimpe à l'arbre à toute vitesse ! C'est un écureuil ! Oh, je vais me plaire tout plein dans la forêt de Meudon, j'en suis sûre ! Oui, celui qui dégotera ma Gosseline n'est pas encore né. Nous ne sommes pas 10 cheminots à en connaître les sentiers secrets. Mon papa Garin ! Oui ! Je suis un peu fatiguée. Oh, mais je vais te porter, mon petit ange. Hop là ! Oh, merci, mon papa Garin. Je suis pas trop lourde ? Mais non. Tu ne crois pas qu'on aurait été plus vite par la route ? Oh, ben, toutes ces précautions peuvent te paraître exagérées, mais je n'ai qu'une idée. Soustraire ma Gosseline aux investigations trop curieuses de la police. Prouver que tu es bien ma fille est une autre paire de manches. Et de plus, je crains qu'on ait diffusé mon signalement. Les flics ne goberont sûrement pas que t'es sous ma protection conformément à un jugement rendu par un tribunal de puritains. Pourquoi ? Je le dirais que plus personne ne me bat depuis que je suis auprès de toi. Oh, hélas, c'est pas aussi facile. Certaines gens ont le droit de martyriser les enfants légalement. Mais personne n'a le droit de les soustraire à leur bourreau illégalement. Ah ! Voilà la clairière au bord de la route. Et à gauche, tu vas voir un étang plein de roseaux et de nénuphars. Ferme les yeux. Regarde. Oh, que c'est joli. Et là, tout près de l'étang, sous les arbres, la petite maisonnette en planche. La maison de campagne à papa Garin. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. On appelle ça une guinguette. Attends que je te repose par terre. Là. Oh, bah oui, maintenant. Ah, tu cours. T'es plus fatigué. Attends-moi. Oh. Voilà. Voyons. La clé doit être sous le plancher de la cabane. Ah ben, faut avancer le bras jusqu'à l'épaule. Lève-la. La serrure est un peu grippée avec l'hiver. Voilà. Vous êtes chez vous, mademoiselle la châtelaine. Ah, la pièce n'est pas très spacieuse, mais suffisante pour nous deux. Dans la belle saison, le patron se tient là, avec ses litres, ses verres et son argenterie. Et autrement dit, fourchette et cuillère à deux ronds. On sert les clients, là, dehors, sur les tables que tu vois, fichées à même le sol. Elles passent l'hiver à la belle étoile. On en est quitte au printemps pour leur donner une couche de verre. Et comme le fait Dame Nature elle-même dans son propre domaine. Le plus important, il y a un poêle pour la popote. On va commencer par l'allumer. Tout le reste du mobilier est emporté par le patron quand la guinguette effectue sa clôture annuelle. À l'instar des stations thermales et des casinos. On sera bien ici. Un vrai château à côté des cahutes de Malakoff. Hein? Oui, mais... Ah, quelque chose de turlupine, ma frisette? Tu ne sais pas. J'ai peur. Peur? Mais peur de quoi, ma fillette chérie? J'ai peur qu'il vienne encore de méchantes gens qui nous forcent à sortir de cette jolie maison et à repartir par les chemins où on a froid. Papa Garin, il vient habiter ici avec sa petite fille sans avoir le droit. Alors les gens à qui appartient la maison, ils enverront les gendarmes. Ah, pauvre enfant. À ton âge, savoir qu'il y a des gens qui ont un droit et d'autres qui n'en ont pas. Savoir que la propriété existe et qu'il y a des gendarmes pour la faire respecter. Rassure-toi, ma mignonne chérie. Tu as vu ? J'ai la clé. Les gendarmes ne viendront pas nous faire sortir d'ici parce que Papa Garin a le droit d'être là. Le proprio est un vieux copain. Oui, lequel se débit n'a pas entruche dès qu'il fait frio. Mon copain qui a un bon zig m'a dit comme ça, si un jour tu sais pas où aller bâcher, va à ma villa au bord de l'étang de Lurcine. Il m'a indiqué où percher la clé et voilà, fillette. C'est pas tout ça. Procédons à notre installation. Elle sera sommaire vu que notre unique préoccupation est de se piéter. Ah ! Ce sac fera parfaitement l'affaire. Oui, en bourrant le sac de fougères, je vais te confectionner un matelas de rupin. Tout le temps au lieu d'aller à Malakoff. Ben, il faut croûter. Et par ici, il n'y a que dalle pour s'occuper. Les gendarmes, je les emmerde et la maréchaussée y tout. Au premier beau jour, je prends mon sac, mon bâton et en avant sur les routes du beau pays de France en chantant l'Alléluia du cheminot. Tout ce qu'on boit et tout ce que l'on mange, et la récolte et la bonne vendange, pour qui donc pousse tout cela? Pour le cheminot qui passe par là. Dixit Dominus au premier cheminot, Dixit Dominus au premier cheminot, allez manger, prenez, buvez, Dixit Dominus, domino mero. Tu m'emmèneras, dit Papa Garin. Ah ben, il ferait beau voir que je te laisse seul. Voilà, ça y est. Le sac est juste rempli ce qu'il faut. Ah, et puis nous allons descendre à Chaville. J'achèterai un bon gros pain qui durera la semaine. Ne t'inquiète pas, nous ne serons pas à la portion congrue. Lapin, faisan, anguille, carpe constitueront l'essentiel de notre menu. Sans fusil et sans permis, cela va sans dire. En dépistant les gardes, cela va sans dire. Alors ça, j'en fais mon affaire. Pourquoi ? La forêt est à tout le monde ? Ah, ben, n'empêche que la loi appelle ça braconnage. J'achèterai aussi des douceurs pour toi, ma mignonne. Et un litre. Pour toi, je mélangerai le vin avec l'eau de la source, tout près de l'étang. Ça ne pourra que te faire du bien. Tu sais, Frisette, dans la haute, où les petites filles n'ont pas beaucoup de sang, leur papa les mène dans des pays loin, loin, loin, pour leur faire boire des eaux comme ça. Oh, c'est donc que je suis une petite fille de la haute. Hein? Qu'en dis-tu? Une duchesse n'a pas de meilleur matelas. Et toi, mon papa? Oh, je coucherai sur le plancher, question d'habitude. Ma grosse veste roulée me constitue un oreiller confortable. Il sent bon, mon petit matelas. En attendant la nuit, je vais déjà y installer le polichinelle. Ben, je ne le connaissais pas, ton petit copain. Ah, il se cachait dans le grand mouchoir à carreaux qui te sert de baluchon. Oui. Pourquoi tu ne me l'as pas présenté plus tôt? Et aussi à tonton Tommy. Il avait peur. Oh? Dans la cité des Biffins, la méchante Fifine pouvait toujours me le reprendre. Un jour, on faisait un câlin tous les deux et elle me l'a arraché de mes bras. Et elle me l'a jeté dehors. Mais un soir, mon bon tétou, il me l'a ramené dans la gueule. Et depuis, je le cache. Eh ben, il est plus tout jeune, monsieur Polichinelle. Il lui manque une jambe. Et il n'a plus beaucoup de couleurs. L'air de la campagne va lui en redonner. Attends, je vais le faire beau. Oui? D'abord, son joli collier de perles. Je l'ai trouvé dans une poubelle. Et puis son bavoir en dentelle. Il paraît qu'il est à moi, ce bavoir. Bibi me l'a dit. Je l'avais autour du cou quand je suis arrivée tout bébé. Montre à voir. Oh, massette. Beau linge. La dentelle a dû coûter. Les broderies sont fines. Tiens, on dirait un nom brodé au milieu des fleurs. Là. Oh, je sais pas lire. Mais j'aime bien le petit ange, là. Rose aimée. Rose aimée. Ben, s'il t'appartient vraiment, il s'agirait alors de ton vrai nom. Tu crois? Ouais. C'est joli, il me plaît. Mais je préfère que tu continues à m'appeler Frisette. Très bien, mademoiselle Frisette. Rose aimée a un prénom peu commun, ça peut nous aider. À cause de mes parents? Eh oui. Je crois pas qu'il y a des parents meilleurs que toi, mon bon papa Garin. Ah, peut-être la jolie dame de la crèche. Oh, elle était si triste et si gentille. Mais la seule qui a été gentille avec moi avant de te connaître. Oh, dommage que tu peux pas te marier avec elle. Parce qu'il y avait un autre monsieur près d'elle. Et ce furent des journées de bonheur pour l'enfant dont la santé s'améliorait grandement dans cette vie libre, au grand air. Garin ne quittait pas sa fille d'une semelle, toujours méfiant. Aux aguets. Frisette le suivait même dans ses expéditions en forêt. Et il avait bien raison, le bon cheminot, de montrer autant de circonspection et de prudence, car les ennemis de Rose Aimée Frisette s'agitaient plus que jamais dans l'ombre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon martre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon martre. Vous déshonorez ma sœur, ma pauvre petite sœur, une enfant innocente, pure. C'est un viol, hein. Vous serez condamné à perpète. Je suis père et mère, ils sont pas loin. Ah non, non, je vous en prie. Laissez-vous fouiller sans répétence, hein. Ça vaudra mieux pour votre matricule. Je n'ai que 50 centimes. Sans blague. Et en plus, tu voulais l'arnaquer, ma frangine. Mais vrai qu'ils le diront. Allez, à bout de ta toquante. Oh. Hein. Y a plus rien à en tirer. Allez, radine, sucre d'orge. Halte! Je vous arrête tous les deux. De quoi? Outrage public à la pudeur et vol à la tire. Oh, la carne, il met les bouts. Feriez mieux de le courser, empaillé. On n'a rien fait, nous deux. Il s'est jeté sur la petite, vous avez bien vu? Oh, la ferme, reculot. T'as monté une scène digne de l'ambigu, petit mecton. Quoi qu'il y a? Vous me connoblez? Ah, tu juges. Ta daronne se meurt d'envie de te revoir. Ah bah ça m'étonnerait, là où elle est, elle s'en fout. Non, la Niston, c'est la première fois que tu te fais choper dans l'exercice de tes fonctions? Je suis une vraie de vraie maintenant. Ah, y a pas de quoi pavoiser. Bon, personnellement, je suis pour les arrangements. Disons que la pauvre mignonnette a agi sans discernement. Je suis pas là par hasard. Je te pisse depuis un bout de temps, reculot. Quoi? Oh, t'es ragdale tout craché. Oh, sucre d'orge. En voilà un qui connaît mon dab. Bon, bah, parlons peu, parlons bien. Ça tombe pile. Je vais retrouver mon paternel. Oh, drôle d'idée. La voix du sang. Faut soigner ça. Un père, après tout, c'est un père. Et une mère, c'est une mère. Et par malheur, la brave Fifi n'a rien tiré le néant, d'où elle aurait jamais dû sortir. Tapé pour ses pieds. J'en passais pas l'eau pour la dabesse. Eh, reste le dab, J.B. Chopin, un fameux lapin. Mais il sirotait à outrance, enfin, paix à ses cendres. On l'a mis dans la terre glaise, tout en haut du Père Lachaise. Bah, J.B., je m'en tamponne l'œil droit avec la paupière gauche. C'est pas la voix du sang, ça. Il était jamais que le mari d'un cornard à ma mère. Non, mon vrai daron, c'est Ragdale. Eh, c'est lui que tu veux retrouver. Ah, un peu, mon neveu. Tu peux pas mieux tomber, il a deux mots à te dire. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde vont y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qui fait bon dormir. Toi aussi, tu sais de jolies chansons, mon bon papa. Oh, écoute. Écoute, papa Garin. Oh. Mais oui. Oh, elle est revenue. Il ne peut pas, il ne peut pas lâcher la colonne. C'est de bruyant, ça. Ah oui, il chante le génie de la Bastille. Tommy va finir par apprendre tout le répertoire de Bruant. Vous l'avez apprise ? Petite frisette, la la la la la la. Eh bien. Oh, je suis heureuse, mon tonton. Ah, mon vieux Tommy, mon vieux frangin au cirage. Tonton. Oui. Tu as faim? Oh oui. Papa Gara a fait une matelote d'anguille à midi. Ah. Je vais t'en faire chauffer un peu. D'accord. Il ne peut pas sauter jusqu'en bas. Je commençais à désespérer, mon frangin. Eh oui. Ça fait une bonne quinzaine que nous dormons sur nos lauriers. Les feuilles poussent. Le patron ne va pas tarder à rouvrir sa guinguette et faudra des carrés. Je craignais pour toi des ennuis avec la flicaille de Malakoff. Oh, mon patron, il a parlé pour moi au commissaire. À Malakoff? Oui, sûr. Gridion cherchait une petite fille, une chiffonnière, que Madame Adrienne avait aidée à la crèche Rosemée. Rosemée? Oui. Le nom de la crèche de Madame Adrienne, en souvenir de leur petite fille disparue depuis si longtemps. Elle s'appelait Rosemée, et pour aider les petites filles et les petits garçons, elle a ouvert une crèche qu'elle a nommée Rosemée. Rosemée n'est pas un prénom qui court les rues. Et si des fois Fifi n'aurait ramassé le bavoir, on ne sait où. Son frère Bibi prétend qu'elle le portait quand elle est arrivée. Je serais bien heureux pour ma Gosseline. Ah, tout cela demande réflexion. Tommy. Oui. La petite chiffonnière qu'il réclamait. Il croit que c'est sa fille ou non? C'est drôle. Je lui ai posé la même question. Il m'a dit que non, malheureusement. Simplement une enfant du même âge que Madame Adrienne avait vue à la crèche Rosemée. Ah, j'ai rencontré Monsieur Chabanet il y a 2 jours, pas loin d'ici. Tu sais celui qui m'apprend les chansons de Bruant? Il ne peut pas lâcher la colonne, tu sais. Chabanet, dans la forêt. Bizarre. Tu le rencontres où d'habitude? Je te l'ai expliqué, dans un café de Montmartre. Et il travaille pour ton patron? Oui, sûr. Il l'a engagé parce que c'est un ami de Ragdal. Et Gridion ne cesse de rechercher Ragdal. Il a aidé dans le temps à faire disparaître sa petite fille. Ragdal. Ah oui, Fifi ne parlait au jugement d'un bébé amené par ce Ragdal. Bah, tout se recoupe. Frisette serait-elle Rosemée, la fille de Jean Robin? Oui, mais ce Chabanet, qu'est-ce qu'il fabrique dans les environs? Il aurait filé Tommy, qui ne s'y serait pas pris autrement. Ah oui, mais pourquoi? Il a tout de même un drôle de nom, ce Chabanet. Et si Jean Robin avait promis une grosse prime, à qui lui ramènerait sa môme? De quoi éveiller la convoitise de bien des malfrats. Papa, Tommy? Oui. C'est servi. On va dîner d'abord et on reparlera de tout ça. Okay. Et à propos, Tommy, ce Chabanet. Oui. Il était seul quand vous vous êtes rencontrés? Non, avec une bande de copains. J'ai promis d'aller leur jouer du banjo tout à l'heure. Mais je ne savais pas que je vous reverrais. Chut! Non, non. Ne bouge pas, Frisette. Qui va là? sur la grande route qui m'attire et que j'aime, comme si casserait à moi, je marche au soleil. On peut rien me dire, mon faf est en règle. Et puis quoi? Et je fais pas de mal. Et je suis la route. Je vais où qu'elle veut. Je vais où qu'elle va. Toujours tout droit. Qu'est-ce que ça peut me foutre que je sois ici, ailleurs ou là? Je suis ben partout. Et je me contente d'un quignon de pain à chaque repas. Avec un verre d'eau, v'la marrante. Je suis heureux, puisque je turbine pas. Je m'en fous que le pain y soit en grève, pourvu qu'on m'en donne un morceau. Vrai, ça vaut pas la peine qu'on se crève pour en manger et boire de l'eau. Dans le temps, je me rebutais toute l'année chez des bourgeois qui avaient du bien et qui me prenaient à la journée. Au jour d'aujourd'hui, je fous plus rien. Travailler, c'est pas mon affaire. Et si j'avais plutôt pensé que c'était si beau de ne rien faire, il y a longtemps que j'aurais commencé. C'était Les Bas-fonds de Paris par Jean-Jacques Stine, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 21e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand et Francine Bouffard, Rose Aimée, Manuel Duxette, Tommy, Jean-Jacques Stine, Garin, Rosine Favet, Reculot, Paul Leperson, Anatole, Martine Régnier, Sucre d'Orge, René Renaud, le journaliste. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouli. Et Michel Gésina, au banjo. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Ces épisodes, les 20e et 21e, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 25 et 28 septembre 1981. À suivre, et d'ici là à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture, ainsi que les épisodes précédents.